Bonsoir à tous. Donc, hiérarchie et rôle de pouvoir en GN. Les hiérarchies se caractérisent par l'organisation structurelle d'une société en pyramide avec des niveaux supérieurs et des niveaux inférieurs. Ce sont des hiérarchies et des dynamiques que l'on peut rencontrer dans de très nombreuses sociétés à de très nombreuses époques, certaines pouvant être considérées comme inévitables et d'autres naturellement pouvant être critiquées. Dans un contexte contemporain en particulier, on pourra s'intéresser aux problèmes d'inégalité hiérarchique, financière, de genre ou de race, par exemple. Là-dessus, le questionnement que je voulais amener ce soir était donc de savoir comment transcrire et faire jouer ces hiérarchies en GN. Et ensuite, qui dit hiérarchie, dit personne au sommet et comment gérer ces rôles de pouvoir. Alors, à titre d'exemple et de point de départ dans cette discussion, pour moi, il y a deux exemples évidents. D'abord, c'est dans tout GN qui comporte un nombre important de joueurs, on va dire dès qu'on dépasse la centaine de joueurs, il y a très souvent une logique d'organiser les joueurs en petits groupes et que chacun de ces petits groupes ait une forme d'organisation hiérarchique avec en général un ou une chef de groupe et chaque personne dans le groupe ayant une fonction particulière. Ensuite, quasiment à l'autre inverse du spectre, on peut aussi penser aux jeux pour le compte en petit format qui sont souvent des jeux microcosmes de société dans lesquels on va représenter par exemple différentes classes sociales ou différents rapports hiérarchiques. D'abord, pour être une sorte de miroir de la société de l'époque, on peut penser aux jeux d'inspiration historique qui repose très souvent sur ce type de structure et comme manière également de créer du conflit. On peut aussi penser que d'une autre manière, certains jeux, en particulier les jeux abstraits ou les jeux en black box, peuvent développer des systèmes dans lesquels ils s'affranchissent totalement des hiérarchies. Mais effectivement, aujourd'hui, mon questionnement sera plutôt de savoir comment est-ce qu'on peut mettre en scène et faire jouer ces hiérarchies. Et une fois encore, au-delà de la hiérarchie, il y a la question du rôle de pouvoir et surtout à qui donner ces rôles de pouvoir ou qui joue ces rôles de pouvoir. Là encore, on va avoir deux choses qui vont être très différentes. D'un côté, quand on a des jeux souvent avec de masse ou de grandes populations de joueurs, très souvent les joueurs créer leur propre personnage. Donc souvent, le participant qui va créer un rôle de pouvoir va aussi se faire en sorte de justifier son rôle de pouvoir et finalement de construire toute la structure qui va avec. En revanche, dans les jeux où les rôles sont distribués par les organisateurs, là se pose souvent la question à qui on confie le rôle de pouvoir. Alors moi, quand j'ai commencé le GN, il y a quelque chose que je considère qui est un mythe, c'était le mythe du joueur ou de la joueuse, mais plus souvent du joueur, pour des raisons évidentes, charismatique, était souvent celui à qui on donnait systématiquement les rôles d'autorité. Alors souvent dans l'idée que le joueur ou la joueuse en position de pouvoir était censé faire en sorte de faire la théorie du ruissellement, déjà à l'époque, était censée les informations, les intrigues vers les niveaux inférieurs, où souvent c'était également des personnes qui étaient très présentes et très visibles dans la communauté. Donc ça aussi, ce sont des choses sur lesquelles on peut se poser des questions. À l'inverse, parfois on peut aussi avoir la logique inverse, d'essayer de caster dans le rôle de pouvoir, soit une personne qui ne joue pas forcément ce type de rôle, donc essayer de faire quelque chose comme un contre-casting, voire de mettre des débutants afin de leur donner plus de jeu et de les pousser à s'impliquer. Et très souvent, dans le rôle de pouvoir, il y a aussi un équilibre à trouver, de faire en sorte qu'on puisse avoir une personne qui fait tourner la hiérarchie, mais qui n'en abuse pas pour phagocyter tout le jeu à son profit. Et c'est là aussi le problème où on va arriver avec ce qui va être mon entrée aussi, le problème que si la hiérarchie est mal gérée, on peut se retrouver avec des choses très problématiques où les rôles de pouvoir deviennent les seuls rôles intéressants et les échelons inférieurs deviennent un peu des sortes de PNJ glorifiés. Et ce qui est naturellement problématique puisque la raison pour laquelle cette thématique m'intéressait, c'est que je suis convaincue qu'on peut établir des hiérarchies entre personnages, mais tout en faisant en sorte que les joueurs, eux, soient également protagonistes de leur propre histoire et aient tous une capacité à agir et à créer leur propre histoire à l'intérieur du scénario. Et donc, les trois questions et les trois parties thématiques sur lesquelles je vais inviter à discuter ce soir. Donc, ma première partie sera quand la hiérarchie gâche le jeu. Donc, j'aimerais qu'on commence par toutes les pires histoires de quand une hiérarchie, un rôle de pouvoir mal casté finit par totalement mettre le jeu par terre, verrouille tout le jeu des autres, empêche de jouer, fait un jeu qui ne fonctionne pas. Et donc, en commençant par quels sont les écueils à éviter. Et donc, la deuxième partie sera comment bien gérer hiérarchie et rôle de pouvoir, hein, comment faire en sorte une fois encore de balancer une hiérarchie intéressante en jeu, mais qui ne pénalise pas les joueurs. Hein. Et également, puisqu'on parle des rôles de pouvoir, comment écrire ses rôles et comment distribuer des rôles. Y a-t-il, en dépit de mes propres doutes, un type de profil qui fonctionne bien dans les rôles de pouvoir? Quelle stratégie dans la distribution des rôles de pouvoir? Et dans une troisième partie, j'aimerais inviter à une discussion autour des hiérarchies, de la narration et de la déconstruction. Donc finalement, quel est le rôle de la hiérarchie? Est-ce que c'est simplement, une fois encore, d'organiser les groupes en fonction et en rôle spécifique? Ou est-ce que c'est aussi d'avoir un commentaire social sur les hiérarchies, sur leurs problématiques? Sur leurs difficultés et d'essayer d'amener aussi un questionnement sur nos propres sociétés. Voilà. Donc, nous commencerons donc par le meilleur du pire, quand la hiérarchie gâche le jeu, quels exemples avez-vous de jeux où une hiérarchie qui fonctionne mal a pu gâcher votre jeu? Oui, on peut effectivement se présenter brièvement. Donc, moi, c'est Axel. Je suis de la scénaristerie du Petit Peuple. C'est moi qui ai lancé le live scénar. Et voilà. Moi, c'est Muriel, donc je suis organisatrice et scénariste depuis à peu près 15 ans, en particulier dans les GN d'inspiration historique et romanesque, et je développe également des jeux éducatifs. Bonsoir, moi c'est Cécile, je suis à Toulon, je suis joueuse et organisatrice, plutôt de petit format. Je m'essaye à plusieurs genres, aussi bien le romanesque que le nordique. Ok, j'ai retrouvé la touche qui me permet de parler, vous m'entendez? Michael, je fais du GN depuis 8 ans et je fais principalement je participe aux GN en tant que consultant souvent. Et dans la vie, je fais des jeux éducatifs aussi. Moi, c'est Alexandre, je suis donc rôliste et géniste. Alors j'en ai surtout fait en tant que PNJ. Donc les problèmes de hiérarchie, je les connais pas trop puisque je connais surtout la hiérarchie des orgas. Et ben, après sinon j'ai fait beaucoup de, enfin j'ai surtout fait beaucoup de merde à partie. Donc voilà, les problèmes de hiérarchie, c'est pas un truc que je connais très très bien puisque j'ai rarement été confronté à ce genre de problème en fait. Ok, donc si c'est tout pour les présentations, on va reprendre sur la première partie. Donc, première partie, exemple de jeu où la hiérarchie ne fonctionne pas et a un impact négatif sur le jeu. Je vais commencer en effet par un exemple du coup. C'était sur le jeu Tempus Fugit, un jeu à, je sais plus exactement, 200, 300 joueurs. Thématique Renaissance uchronique un peu fantastique, où il y a et un jeu par groupe. Et dans ce jeu par groupe, il y avait quelques personnages très écrits et les autres qui étaient un peu pot de fleurs. Au début, ça nous avait pas forcément, quand on a reçu les bacs, ça ne nous a pas inquiétés. On s'est dit qu'il y aurait un jeu par ruissellement, un jeu en campement, et que on était la délégation vaticane et on avait prévu d'installer un campement où les gens viendraient voir les cardinaux importants, et que le fait qu'ils soient là permettrait aux autres personnages de jouer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un problème très concret qui a empêché de faire ça. Il y avait la canicule pendant le jeu et le campement était totalement inutilisable. Il faisait beaucoup trop chaud dans les tentes. Donc le jeu se passait à l'intérieur du fort, c'était au fort de Condé, si ma mémoire est bonne. Et donc finalement, les cardinaux sont allés voir les gens au lieu que ce soit les gens qui viennent voir les cardinaux. Mais du coup, les personnages d'ambiance dont j'étais n'avaient aucun jeu du tout. Sur comment cela aurait pu être réglé, bon, déjà avec des bacs plus conséquents, cela aurait changé les choses. Après, sur ce type de format, je suis pas très au fait de comment on écrit un jeu à 300 personnes. Je n'ai jamais été dans une équipe orga de jeu à 300 personnes. Mais disons qu'avoir quand même quelques intrigues personnelles ou des liens avec des personnes dans d'autres groupes aurait sans doute pallié au moins un peu au problème. Donc je prends la parole. Moi je pense à alors pour le Tempus Fugit, je seconde effectivement. C'était compliqué de jouer les rangs quand ils sont très nombreux et qu'on est 300. Donc je seconde là-dessus. J'ai un autre exemple qui est sur plein de jeux différents. C'est même un cliché, c'est ce qu'on m'a rapporté comme étant un mauvais leader. C'est-à-dire que quelqu'un qui, hors jeu, n'est pas forcément chef de projet ou particulièrement charismatique, ou a une grosse voix, hein, soyons clairs, et que cette personne, donc, on lui attribue un rôle de leader. J'ai entendu beaucoup de gens se plaindre de ce genre de cas et du fait que bon bah on n'aime pas trop ça parce que ça nous brise l'immersion, parce qu'on aimerait bien avoir quelqu'un de plus fort. J'y vois plusieurs problèmes. J'ai pas trop bien réfléchi à cette question avant de prendre la parole. Premier problème. C'est que en vrai, les leaders, ils sont constitués par les personnes qui leur obéissent. Donc ça devrait être aux personnes qui leur obéissent de mettre en exergue le fait que c'est leur leader. Deuxième élément, les leaders sont pourvoyeurs de jeux dans beaucoup de jeux, comme notamment, comme Zander l'a dit, sur des gros jeux à beaucoup, beaucoup de monde, ils sont leaders de factions. Et donc souvent, il y a du jeu qui vient entre leurs mains et c'est leur objectif de le distribuer. Donc il faut qu'ils sachent distribuer potentiellement. Il y a également la possibilité, je dis plein d'idées en vrac, hein, vu qu'on est au début, la possibilité de faire des ateliers avant le jeu pour asseoir ce que c'est qu'une situation normale, donc une situation où on écoute le leader. Et donc de pouvoir le faire à l'intérieur du jeu. Mais globalement, pour moi, le gros problème, il n'est pas vraiment une question de charisme, comme j'ai souvent entendu. Il est plutôt une question de ruissellement à travers le leader de beaucoup de jeux. Donc voilà, moi je pose la question de quand on fait un leader dans un jeu, quand on écrit en tant qu'orga, un leader dans un jeu, à quoi on doit faire attention également? C'est des questions en vrac. Ok, alors moi j'ai deux anecdotes sur des problèmes de hiérarchie, une ancienne et une récente. Donc la première, c'était aussi sur un jeu avec beaucoup de joueurs. Donc c'était un jeu A3DL Trône de Fer, dont je ne me rappelle plus du titre. Mais donc organisation par famille, société féodale hiérarchique. Et le choix qu'ils avaient fait, ça avait été de définir trois niveaux de personnages. Donc les personnages de niveau 3 étaient les chefs de faction, de niveau 2 étaient les lieutenants et de niveau 1 étaient était le bas de la hiérarchie. Mais alors, en plus, il y avait un système qui était très étrange, c'est-à-dire que les personnages leaders avaient beaucoup de points de vie, effectivement, potentiellement l'accès à toutes les informations et étaient censés faire ruisseler les intrigues et les informations vers le bas. Et les personnages de niveau 1 avaient moins de points de vie, mais avaient la possibilité de respawn quand ils étaient tués. Ce qui donnait un système de combat très bizarre, où on était dans un jeu vidéo, mais on ne savait pas si on se souvenait de notre mort ou pas. Enfin, la mort était très mal gérée, déjà. Mais ce qui faisait effectivement que le différentiel de puissance entre les leaders et les persos de niveau 1 était vraiment effarante. Et en plus, dans mon groupe, ils ont donné le rôle de leader au seul joueur débutant de notre groupe, mais qui était le plus âgé par un hasard des choses. Alors, ce qui en tant que tel, une fois encore, aurait pu ne pas poser de problème, parce que des fois, je reste convaincue que ça peut être, on en reparlera en deuxième partie, que ça peut être un bon moyen de bien impliquer les débutants, sauf qu'effectivement, le joueur a décidé de jouer seul, ne transmettait rien du tout au reste du groupe. Son frère, qu'il avait amené sur le jeu, jouait son lieutenant et un personnage de niveau 2. Donc en fait, ils ont pris tout le jeu du groupe à eux deux. Hein, et en plus, le leader aimait faire de l'humour, a fait des blagues grossophobes sur une PNJ. Enfin, ça a été très dur. Et donc là, c'est vraiment un exemple où à la fois le choix de design, mais en plus le choix de casting, a vraiment ruiné le jeu pour les 10 autres joueurs du groupe. Et le second exemple, c'est beaucoup plus récent, c'est cet été. Alors, c'était un jeu qui est en Allemagne. Et en Allemagne, où il y a une très forte tradition de très gros mass LARP en campagne. Et c'est un groupe d'organisateurs qui a essayé de faire quelque chose avec un plus petit format, donc une quarantaine de joueurs, et donc avec tout un jeu politique et social, alors qui était relativement équilibré. Le pitch du jeu était qu'il y a deux clans concurrents, l'un patriarcal, l'autre matriarcal, mais qui, suite à une crise de ressources, une crise climatique, sont obligés de s'allier. Et donc négocient sur les termes de l'alliance et à laquelle de leur tradition ils et elles sont prêtes à renoncer. L'idée intelligente était qu'il y avait un conseil des anciens, donc de 6 joueurs, mais qui n'ont pas de pouvoir de voter, donc ils sont juste là pour arbitrer les débats. Sauf que parmi les 6 joueurs, il y en avait 2 qui étaient vraiment des joueurs traditionnels allemands et donc qui, eux, étaient clairement là pour essayer de gagner le jeu ou vraiment de gagner politiquement, alors que le jeu ne s'y prêtait pas du tout. Hein. Et les 4 autres joueurs du Conseil des Anciens m'ont raconté après la manière dont ils faisaient en sorte d'essayer de tempérer les velléités très gamistes, là, on va dire. Donc, on sait que c'est pas, donc gaming, c'est lorsque l'intérêt du jeu est de gagner la partie, contrairement à quelque chose comme ce qu'on avait qui était narrativiste, où on était censé beaucoup plus se focaliser sur l'histoire. Et donc là, c'était plus un... Donc heureusement, les autres joueurs ont réussi à contenir le problème, mais là, on est typiquement sur un problème de communication où si le jeu est orienté vers de la narration ou de la construction d'histoire, mais que certains participants viennent pour gagner ou pour jouer le rôle de pouvoir en autorité, bah, ça peut créer des dissonances ludiques assez importantes. Alors, je suis désolée, je ne suis pas extrêmement concentrée, mais donc, on parle d'anecdotes, de problèmes mal gérés, de hiérarchie. On va encore parler du GN de l'autre côté du miroir, qui ressort un petit peu dans toutes les discussion parce que c'était un peu un carton plein de ratage, et notamment au niveau de la hiérarchie. Moi, je me suis retrouvée à j'ai pris un rôle de pouvoir, et au bout de 2 jours de jeu, je me suis rendu compte que l'intégralité des personnes avec qui je jouais depuis le début étaient en fait des PNJ. Et en fait, la seule raison pour laquelle, en tant que joueuse, j'étais dans une position de pouvoir, c'est parce que j'avais usurpé la place de mon PNJ. Et une fois que c'était fait, bien sûr, j'étais là. Mais c'est donc un exemple d'un jeu où on a voulu résoudre la question des hiérarchies et du pouvoir dans une façon qui permette la centralisation totale des informations et du jeu, quitte en fait à faire que les joueurs et joueuses se retrouvent en position secondaire par rapport au GM et des PNJ qui normalement sont censés servir l'immersion ou faciliter le jeu, se sont trouvés à être en charge de à peu près tout, en fait. Alors, l'expérience que je vais reporter là, en fait, c'est à la fois une bonne expérience, une mauvaise expérience. C'est passé sur le même GN. C'était le Drakiris de 2016. Et il s'est passé exactement ce qui se passe la plupart du temps sur les personnes qui ont fait des pôles d'importance dans leur délégation, c'est-à-dire que c'était un mass LARP. Il y avait une quarantaine de délégations avec chacun un chef qui était toujours absent quasiment. C'est-à-dire que, comme la plupart du temps, la distribution des intrigues importantes et aussi le fait des joueurs qui veulent toujours parler au chef pour leur donner directement l'info. Je sais pas trop d'où ça sort, mais en tout cas, chaque fois qu'il cherchait un chef, les gens disaient ben non, il n'est pas là, il doit être dans la forêt en train de faire de l'exploration parce qu'il a oublié son rôle de chef, il a préféré le rôle de ranger. Et en même temps, moi j'appartenais à un groupe qui était un groupe de Mongols, en fait. Et on avait pris le choix, pour des raisons pratiques, de faire en sorte que notre chef de délégation soit toujours dans notre campement. Au départ, ce n'était pas du tout un choix de jeu, mais il s'est avéré que ça nous a sauvé un peu la gestion du groupe et le gène de pas mal de monde. Parce qu'initialement, c'était parce qu'il devait faire la cuisine, en fait, notre chef. Donc, il ne pouvait pas quitter le campement. Mais in fine, comme tout le monde cherchait le chef, à chaque fois, nous, on disait, allez à notre campement, il y est. Donc, ils allaient voir notre chef de camp et il leur donnait les informations. Lui, il redistribuait parce que de toute façon, il ne sortait pas de notre campement. Et on a fait comme ça un GN super. Voilà. Et à l'extérieur du groupe, les gens étaient très contents. On a une centaine de personnes qui nous ont remercié que notre chef soit toujours disponible. Parce que le leur, il ne l'était jamais et les autres chefs ne l'étaient jamais. Oui, donc moi je prends la parole juste pour dire que je ne vais pas dire grand-chose de plus parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas de mauvaise expérience en termes de hiérarchie. En fait, au contraire, les seules expériences que j'ai en termes de hiérarchie en jeune, c'est des bonnes expériences. Donc voilà, donc je ne vais pas rajouter plus. Donc en gros, je parle pour dire que je ne parle pas. Voilà. C'est fini. Ok, moi j'ai un autre exemple aussi là d'un exemple de hiérarchie qui est mal gérée et qui en plus n'impactait pas seulement les personnages mais aussi les joueurs. Donc c'est un jeu qui remonte à il y a quelques années et qui est un jeu qui s'appelait Toad Maiden et qui avait été promu comme un jeu se déroulant dans un manoir et autour du spiritisme avec une ambiance vaguement à la Cthulhu. Sauf que, et donc il y avait les gens du manoir de la haute société et des villageois. Sauf qu'en arrivant sur site, on s'est rendu compte que seuls les gens de la haute société logeaient dans le manoir, ce qui n'avait pas du tout été précisé à l'inscription, que d'autres joueurs logeaient en gîte, qui était correct, donc là ça allait encore, mais que certains étaient censés dormir dans la grange, donc dans des endroits vraiment pas sécurisés, et voire que certains étaient en tente. Donc là on se retrouvait avec des éléments d'hiérarchie sociale, mais qui avaient directement un impact sur le confort de jeu, sans que ce soit communiqué avant. Autant dire que les réactions des joueurs n'ont pas été très positives, et en plus, de la même manière, le contenu du scénario était aussi très inégalement réparti, suivant les mêmes lignes de fracture. C'est terminé. Je pensais, on parle beaucoup de leader dans le sens de leader ou de hiérarchie En sens, avant le jeu, on a un BG où on nous a indiqué, voilà, vos rôles, ça sera cette hiérarchie. Mais il y a, et donc on a parlé de personnes qui veulent pas prendre leur rôle ou du fait que le rôle des leaders implique souvent une responsabilité hors jeu qui est de faire ruisseler l'information. On a parlé également du manque de déférence qu'on peut avoir envers des leaders, alors que normalement, on devrait, par exemple, comme le premier exemple, on devrait se déplacer pour aller les voir plutôt que l'inverse. De toute façon, j'étais protestant aux Andéras, je ne serais pas venu voir les cardinaux. Voilà, on a parlé également, je crois, de l'influence que peut avoir la personne qui joue sur le rôle de leader, donc son charisme par exemple, ou son aisance, son extraversion. Je rajoute, il me semble qu'on a parlé de tout ça, et moi je rajoute un dernier truc qui est le côté, la hiérarchie officieuse. Alors, pas celle qui se fait avec, on va dire, justement les caractères de chacun chacune, mais la hiérarchie officieuse qui se fait avec l'accord de l'orga, c'est-à-dire, par exemple, le personnage X qui va avoir énormément d'informations dès le départ, qui va être impliqué dans, par exemple, la quête de la fin du monde, celle qui passe avant toutes les quêtes, et qui va donc avoir de facto, dans les dynamiques de groupe du jeu, va avoir un rôle de leadership au point où c'en est devenu un running gag d'annoncer dans un GN, bon, moi je sais comment empêcher la fin du monde, suis-moi et fais ce que je te dis. True story. Donc voilà, en jeu, ça peut être lié à une recrudescence d'informations données par les organes dès le départ ou à un mauvais équilibrage, quelque part, des quêtes qui donnent donc plus d'informations à quelqu'un qui, pourtant, n'est pas censé être le leader ou n'est pas censé avoir une hiérarchie officielle. Donc, je parle officielle, officieuse, mais on peut dire annoncée ou secrète, ce genre de choses. Alors, je voulais rebondir sur deux propos de Michael, celui de tout à l'heure et celui de maintenant. Donc, celui de tout à l'heure, de la question du leader pas charismatique, m'est revenu en tête sur l'un des premiers GN que j'ai organisé il y a très longtemps et qui honnêtement était mauvais. C'était une chronique Vampire Requiem 17e siècle. Nous étions une équipe d'organisateurs débutants et on a fait plein d'erreurs et on ne disposait pas d'un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui. Et comme l'a justement souligné Michael, on n'avait pas d'atelier et je pense que c'est le gros truc qui a pêché par rapport à nos leaders. On avait fait le choix de donner des leaders à des gens qui n'avaient pas l'habitude d'en jouer et qui avaient envie de le faire. Ça, c'est quelque chose sur lequel je resterai encore aujourd'hui parce que je trouve ça sympa de donner leur chance aux gens de faire quelque chose de différent. Mais du coup, on a eu plusieurs situations différentes, mais pas terribles. On a eu d'une part le chef d'une faction qui s'appelle l'Invictus. Comment résumer? Enfin, c'est une faction vraiment politique traditionnelle, on dirait modèle un peu patriarcal, même si là, le sexisme n'était pas forcément présent dans le jeu, je ne me rappelle plus très bien. Mais enfin, c'est l'organisation politique où la hiérarchie est censée être importante. Et la personne qui a demandé à être chef de ce jeu, en fait, avait une personnalité incompatible, c'est-à-dire que ça le stressait, vraiment. Ça l'a stressé au point qu'il est parti au milieu du jeu se reposer parce qu'il n'était pas bien du tout d'être dans cette situation. Honnêtement, même encore aujourd'hui, je ne sais pas comment on aurait pu prévenir ce problème-là. Bon, des ateliers auraient sans doute permis déjà que dans le groupe, les autres soient plus à le soutenir, parce que là, les autres joueurs de sa faction se sont plaints du fait qu'il n'était pas charismatique, blablabla. Mais je pense que c'est plus que le commandement de sa propre faction, c'était la confrontation avec les chefs des autres factions qui l'a stressé, et ça, c'est difficilement prévisible. Donc, voilà, ça, je ne sais pas trop comment ça pourrait se gérer. Un autre cas, c'est une joueuse qui avait l'habitude d'un jeu assez dirigé avec des quêtes à résoudre, qui s'est retrouvée en chef de faction. Elle avait un jeu potentiellement extrêmement riche, aussi bien personnel que de groupe, mais qui n'était pas servi sur un plateau. Ce n'était pas ce dont elle avait l'habitude, et donc elle s'est ennuyée, le GN. Sa faction s'est fait laminer vu qu'elle n'a pas joué son rôle de chef de défendre sa faction. Et là, peut-être que l'atelier aurait permis de construire un jeu de groupe qui aurait pu pallier au problème. Donc, le deuxième point, donc ce que disait Michael à l'instant. Michael, est-ce que tu veux bien redire, juste parce que j'ai un trou de mémoire, ce que tu disais juste avant, s'il te plaît? Heureusement, j'ai pris des notes cette fois. les leaders officieux Oui, ok, c'est bon. J'ai retrouvé, en fait, on peut en effet considérer que le personnage de l'élu, on va dire, est une forme de leader qui n'est pas dans une hiérarchie établie, mais qui se retrouve en effet à mener les autres comme Frodon mène la communauté. Et là, sur ce truc-là, moi j'ai déjà vu la situation inverse, à savoir une personne trop charismatique dans le rôle d'un personnage qui était au centre d'une quête mystique, qui n'était pas censé être la quête principale de sauver le monde, etc. C'était une quête parmi d'autres. Mais comme la joueuse était assez charismatique, bonne joueuse, et capable d'une habileté naturelle à attirer le monde autour d'elle, eh bien, tout le jeu s'est retrouvé phagocyté sur cette quête, alors que ce n'était pas ce qui était censé se passer. Et là, je pense qu'il y avait eu un souci de casting, car à l'inverse, sur le même jeu, il y avait une joueuse qui devait jouer une sorte de leaduse sociale, mais dont c'était le premier GN, et donc elle devait faire plutôt circuler les informations entre les gens, etc. Et en fait, elle s'est précipitée vers la quête mystique parce que c'était son premier jeu. C'était un GN Harry Potter, donc en plus, une fan d'Harry Potter qui fait son premier GN sur un jeu Harry Potter, elle se précipite forcément vers la quête mystique. Enfin, pas forcément, mais disons que ça a des chances de l'intéresser. Et a abandonné le jeu social. Et là, je pense que l'inverse aurait été mieux, c'est-à-dire que la nouvelle joueuse aurait vraiment pris son pied si elle avait eu le rôle de l'élu, donc impliqué dans la quête mystique, tandis que la bonne joueuse charismatique aurait su faire circuler les informations et créer le jeu social scolaire que l'autre joueuse n'a pas su créer. Ok, pour poursuivre là-dessus, effectivement, sur la question de à qui donner le rôle de leader officiel ou officieux, un problème que j'ai fini par identifier, c'est le fait que, encore très largement, même si c'est en train de changer, mais ce qu'on identifie par rapport au rôle de leader, au rôle charismatique, est très influencé par notre perception de la politique, et c'est une construction du rôle politique qui a été faite essentiellement du point de vue masculin, et en particulier au niveau de la voix, avoir une voix plus grave et avoir une présence physique plus importante, et très souvent associé à ce type de rôle. Et il y a aussi la manière dont la perception du joueur, sa visibilité du joueur ou de la joueuse pour le compte et sa visibilité dans la communauté va également influencer le type de charisme ou d'aura que l'on va prêter à son personnage. Et donc finalement, réussir à gérer une hiérarchie, c'est aussi essayer de travailler son scénario en ayant à l'esprit le type de biais cognitif qu'il peut exercer dans la communauté, les utiliser, mais aussi être capable de les déconstruire. Là-dessus, on va passer très rapidement à la deuxième partie. Donc la deuxième partie à l'inverse, j'avais envie qu'on réfléchisse sur les outils pour bien gérer la hiérarchie. Donc, bien évidemment, on va parler atelier, mais pas que. Et réfléchir aussi sur comment choisir les joueurs que l'on place ou que l'on laisse se placer dans des rôles d'autorité. Également, est-ce que le rôle de leader ou le rôle d'autorité a parfois aussi une fonction complémentaire du MJ ? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit lui assigner un rôle de guidage indirect du scénario ? Alors, c'était juste du coup pour remédier ce que je disais tout à l'heure sur les expériences positives que j'avais eues de la hiérarchie en jeune. Je pense notamment au cas d'une mordeur qu'on avait fait dans le cadre d'une association. Donc, la mordeur dont vous avez peut-être entendu parler d'ailleurs, parce que le scénario est apparemment assez connu. Du Humor ce soir, qui est adapté du jeu de rôle Innomis Stannis. Grosso modo, dans la Mordor, les joueurs sont divisés en deux camps. Il y a les démons d'un côté, enfin, les archidémons d'un côté et les anges de l'autre. Et donc, les deux groupes se retrouvent à une sorte de réunion de crise pour discuter d'un problème qui est arrivé, qui est la mort de Dieu. Et donc, je faisais partie du groupe des archanges. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une hiérarchie qui s'était établie spontanément au sein du groupe. Le joueur qui jouait l'archange là. Le joueur qui jouait l'archange Gabriel s'est imposé naturellement comme une sorte de leader. Alors, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais est-ce que c'est parce que c'est le background du perso qui est comme ça ? C'est parce qu'il est comme ça, effectivement. Ou est-ce que c'est la personnalité du joueur qui est comme ça aussi dans la vie ? Je sais pas, en tous les cas, il s'était naturellement imposé comme une sorte de leader du groupe. Et ça marchait très bien, puisque son cadre humain et faire en sorte que l'intrigue progresse du côté de notre groupe. Après, voilà, il a aussi su le gérer par rapport à des trucs que je sais, mais que je vais pas dire, parce que du coup, ça spoil la fin de la mordeur. Mais voilà, en gros, il n'y a aucune hiérarchie qui était établie à la base. Et une amie qui s'est mis en place spontanément et qui a très bien tourné parce que c'était le background du perso et aussi parce que ça coïncidait avec la personnalité du joueur. Et d'ailleurs, je pense que je finirai là-dessus parce que, en fait, dans les murders qu'on a organisé dans cette association, généralement, les organisateurs connaissaient personnellement les joueurs et donc savaient quel genre de personnage leur attribuer en fonction de leur personnalité. Et ce qui fait qu'on avait des joueurs qui savaient qui en général jouaient très bien le perso parce que. Parce que les persos des joueurs étaient choisis en conséquence. En fait. Voilà, je laisse la parole. Donc, sur la question du leader qui est un relais de l'organisation, j'ai en tête au moins un cas concret où, en effet, pour moi, ça doit être le cas. C'est celui où l'autorité représente une forme d'antagonisme, pas direct, mais d'antagonisme quand même, pour le reste des joueurs et des joueuses. Ça, je m'en suis rendu compte sur le Mad About the Boy, un jeu nordique transparent, donc je ne sais pas de faire de spoil, qui se passe dans un futur où tous les hommes sont morts. Le gouvernement a organisé une espèce de concours pour savoir quelles allaient être les femmes qui allaient pouvoir avoir une insémination artificielle pour faire court. Et moi, je jouais la ministre, donc l'autorité tout en haut. J'avais un groupe avec moi et nous représentions ensemble l'autorité. Et au début du jeu, j'ai joué mon personnage, je dirais, de façon classique, pour essayer d'explorer ses émotions internes, ce genre de choses. Et puis, une autre joueuse m'a fait me rendre compte que, comme c'était un jeu narrativiste, ce serait quand même plus intéressant si on faisait exprès de prendre des mauvaises décisions, des choses qui seraient difficiles pour les autres, c'était limite de la torture mentale sur certains trucs. Parce que ça créait du jeu, ça renforçait l'autorité oppressive et surtout le jeu tendait vers une révolte contre cette autorité. Donc, il fallait donner des prétextes. Et donc, à partir de ce moment-là, notre groupe, on s'est vraiment mis à penser finalement presque comme des PNJ, plus que comme des joueurs et des joueuses, enfin des joueuses. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est un truc qui n'avait pas été communiqué au départ, on s'en est rendu compte sur place. C'était très intéressant, j'ai adoré jouer ça, mais je pense que c'est quelque chose peut-être à plus formaliser, de dire que dans les jeux où l'autorité représente un antagonisme, de dire que donc les rôles d'autorité sont des rôles où il faut adopter une logique un peu de PNJ pour plus narrativiste que simulationniste. Alors, pour moi, sur la question de est-ce que le rôle leader est un relais de l'organisation, je n'en suis pas certain, parce que je ne sais pas si on flirte pas là avec le rôle de PNJ, en fait, de la part de l'organisation. Voilà. Après, sur les pistes, je réfléchissais au fait que souvent on parle du chef, effectivement, parce que c'est celui, c'est une espèce de figure d'autorité que l'on voit ou qui est issue toujours d'un espèce de système militaire ou un système pyramidal visible. Et je m'aperçois que les jeux où le véritable rôle de leader, où la hiérarchie est tenue par quelqu'un d'un peu plus discret ou quoi, en fait, on le cantonne toujours à des jeux où ce sont... En fait, on cache toujours le chef dans des jeux où les choix doivent être cachés. C'est-à-dire que, par exemple, un chef qui n'est pas celui qu'on voit, ce sera toujours dans un jeu mafia ou de Yakuza. Et en fait, je pense qu'on pourrait utiliser les écritures de rôle de ce type-là, c'est-à-dire des jeux où les choses sont un peu de l'ombre, pour avoir un chef de l'ombre, mais dans le généraliser. Et ça pourrait peut-être briser un petit peu les dynamiques autour de bah, c'est un jeu militaire, bah, alors le chef, c'est celui qui a la grosse armure et qui est visible, qui a une grosse voix. Je pense que ça peut être intéressant comme piste. Voilà. Ok, alors moi j'ai aussi beaucoup réfléchi à la question des hiérarchies parce que j'écris des jeux historiques, donc la question de la représentation et de la mise en scène de la hiérarchie sociale, ça a toujours été quelque chose de très central, et j'ai utilisé une variété de techniques. Mais je pense qu'il y a un principe quand même qui est le plus important pour moi et le premier à travailler, c'est déjà de ne pas concentrer tout le pouvoir, toute l'autorité et surtout toutes les informations sur une seule personne. Et donc, c'est déjà de disperser la fonction de chef au maximum. Donc, parce que le chef, il n'est pas tout seul, il peut avoir des conseillers, des éminences grises, d'autres personnes. Donc vraiment, de faire en sorte de disperser le pouvoir, ne serait-ce que dans le cas où si le ou la joueuse du leader a besoin de faire une pause, il ne faut pas que le jeu soit complètement paralysé. Donc il faut qu'il y ait toujours un autre personnage en jeu qui puisse prendre sa place. Un jeu que j'ai joué, donc j'étais joueuse par contre, et qui utilisait bien ce système-là, c'était un jeu qui s'appelait le Borean, donc qui était un jeu médiéval qui était autour du tournoi pour la main de la reine. Et je jouais la reine, mais la reine avait tout un conseil de nobles avec qui elle devait composer, donc elle n'était pas surpuissante non plus, et donc il y avait tout un jeu justement sur l'équilibrage du pouvoir qui fonctionnait assez bien là-dessus. Sur la question du guidage aussi, sur mes premiers jeux, j'avais des PNJ qui servaient un peu d'autorité morale, donc qui servaient à faire justement le guidage et la partie relais du MJ justement pour soulager les joueurs. Ensuite, naturellement, maintenant on a les ateliers, donc répéter les hiérarchies, les dynamiques de pouvoir en atelier, c'est naturellement un outil qui fonctionne très bien. Et par exemple, sur le harem, donc Harem Sunset, qui est mon dernier jeu, ou naturel, donc qui est vraiment fondé sur des hiérarchies extrêmement strictes, plus séparation des hommes et des femmes, Le rôle du sultan est donc un rôle assez central, mais il est clairement décrit comme un personnage un peu en train de perdre pied. Donc tout est fait pour que le joueur ne soit pas prisonnier du rôle. Il y a quelques éléments qui sont dictés par l'orga, donc là où le joueur, alors il est prévenu qu'il aura ses contraintes en jeu à quelques tâches très ponctuelles à réaliser. Donc là encore, le rôle de relais du MJ est véritablement cadré pour que ce ne soit pas une pression en jeu permanente. Et j'ai aussi utilisé une métatechnique qui est celle d'écolier. Donc les trois plus importants persos du jeu ont un collier. En fait, quand ils veulent sortir du jeu ou faire une pause dans le rôle de pouvoir, ils donnent simplement le collier à quelqu'un de leur entourage qui, dans ce cas-là, agit totalement en leur nom, sans discussion. C'est une information méta. Et donc ça aussi, ça permet de délayer le rôle de responsabilité, donc à la fois pour soulager le joueur dans le rôle du chef et en même temps faire en sorte que tout ne soit pas trusté. Voilà pour mes premières pistes. Je rebondis du coup sur l'exemple de Muriel qui parlait du harem et du rôle donc de du rôle de leader ou en tout cas haut dans la hiérarchie égale instrument DMJ. Quoi qu'il arrive, de toute façon, quand on a une grande responsabilité sur l'ensemble du jeu, c'est-à-dire sur l'ensemble de ce qui se passe dans les rôles, dans l'histoire, quand d'un claquement de doigts on peut faire tuer quelqu'un ou non, effectivement, il y a une sorte de PNJisation des leaders. Donc je rebondis aussi sur ce qu'a dit Corinthe là-dessus. Donc il y a une PNJisation des leaders et je pense que c'est l'ignorer, le mettre de côté, ça implique que on le prendra pas en considération, alors que c'est une réalité. Voilà, hein, un leader a une grosse influence sur le jeu, aussi grosse que pourrait l'avoir parfois un orga, voire parfois plus grosse si c'est un gros leader. Donc je pense qu'il faut le prendre en considération et le prendre en considération, ça veut dire peut-être communiquer en amont. Ok, vous allez prendre une place de leader. Si vous prenez une place de leader, sachez que vous aurez une responsabilité, ce qui est celle de, par exemple, transmettre régulièrement les informations aux gens, qui est voilà, peut-être voici une fiche récapitulative des gens qui travaillent pour vous et voici leurs spécialités, voici ce que vous aimez faire, vous aimez bien une fiche orga au final, hein. Vous aimez bien passer la même information à ces deux personnes pour qu'elles se battent. Voilà, on peut PNJiser ce personnage tout en lui donnant beaucoup de fun. Ensuite, ce fun-là, ça va être un fun qui va être un peu en recul de son personnage. Il va être peut-être un peu moins immergé dans le rôle. Alors, je ne crois pas que ça a été mentionné du coup, mais la notion de steering, donc ça vient de chez les Nordiques, tout ça. Steering, c'est comme on navigue à vue, on prend le gouvernail. C'est quand on n'est pas dans l'immersion, on n'est pas dans la réaction automatique, c'est qu'on réfléchit à je suis Harry Potter. Le plus intéressant, le plus logique pour mon personnage, c'est de rester bien au chaud dans mon dortoir. Le plus intéressant, c'est de partir dans la forêt interdite et de trouver une raison à la con, du genre ma grenouille est malade, ou elle a besoin d'herbes qui poussent que dans la forêt interdite, parce que je me fais chier dans le GN peut-être aussi. Bref, le steering, c'est donc commander à son personnage quelque chose pour des raisons qui sont en fait hors jeu. Donc le leader ou les personnes qui vont donc être PNJisées quelque part, vont être un petit peu dans ce plaisir de jeu-là. Alors si ça leur plaît pas, et s'ils abandonnent leur rôle, comme l'ont mentionné plusieurs personnes avant, eh bien autant au préalable faire en sorte que ça soit communiqué, que ce rôle, voilà le type de plaisir que vous en retirerez, voire peut-être le caster, comme ça a été mentionné également. Ou le forcer, c'est-à-dire avec des ateliers, ce genre de choses, et donner l'opportunité à la personne de tester le rôle de leader. Voilà quelques idées. Donc, on a beaucoup parlé des leaders vraiment chefs sur des jeux avec groupe, etc. Bon, moi, j'ai aussi envie de parler de la hiérarchie sociale de la vie, enfin, dans des cadres plus petits, sur des plus petits GN, puisque bon, c'est ce que moi j'écris, donc ça m'intéresse. Et de sur comment le gérer, etc. Donc, bon, sur sur mon jeu principal, Le Silence de la Neige, qui est un jeu romanesque qui se passe pendant l'occupation, ça se passe dans une famille. Il y a en fait beaucoup de rôles d'autorité par rapport au nombre de personnages. Il y a 10 joueurs et dedans, il y a le père de famille qui a donc qui est un leader au sens patriarcal. Il y a la maîtresse de maison, on est dans sa maison, donc même si c'est une société patriarcale, comme on est chez elle, c'est quand même elle qui va dicter les horaires, qui va dire non mais vous faites pas ça chez moi, ce genre de choses. Il y a le maire du village qui est présent, donc une autorité politique, et il y a les personnages allemands. Dont un, entre autres, finalement, il y a un seul de ces personnages qui pourrait être vu comme un relais de l'organisation, dans le sens où ses actions font avancer l'histoire, mais normalement, il est écrit de telle manière que ça le pousse totalement dans la direction qu'il doit prendre et il n'y a pas besoin de le cadrer particulièrement par rapport à ça. C'est-à-dire que son comportement, le comportement induit par le bac va dans le sens de la narration. J'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire, désolée. Enfin, donc, de même, la maîtresse de maison est quelque part une relais des orgas, si on considère que c'est elle qui dicte à quelle heure on passe à table, quand est-ce qu'on fait la cuisine, parce que tout est en autogestion, mais là aussi, tout est donné à l'avance. Et donc, je ne pense pas que les joueurs et joueuses se sentent comme des relais de l'organisation, parce qu'en fait, c'est un jeu où ils sont vraiment en totale autonomie et il n'y a quasiment aucune intervention orga de tout le jeu. Donc ils se sont invités vraiment à se prendre en main complètement aussi. Voilà, donc je voudrais aussi vos avis sur co comment gérer les hiérarchies sociales et la répartition du pouvoir sur des jeux plus petits. Pour moi là-dessus aussi, donc c'est pareil, moi je fais plutôt du petit format et quelque chose qui m'a toujours importé aussi, c'est que même s'il y a des hiérarchies sociales en jeu, c'est important, comme on dit, que chaque personnage soit le protagoniste de sa propre histoire et chaque personnage puisse avoir une narration satisfaisante. Et donc souvent, ça implique utiliser la hiérarchie sociale comme un outil dramatique et souvent donc en compensant les niveaux inférieurs, donc qui soit ont moyen de faire pression sur la hiérarchie, soit sont un lien, soit dans certains cas peuvent avoir un lien particulier. Donc, dans le cas des serviteurs, des hommes de confiance, des éminences grises, soit vont avoir davantage d'informations, de moyens de pression, ou des narrations qui finalement ne dépendent pas des narrations, ne dépendent pas du rapport au pouvoir. Donc, il y a beaucoup de manières de créer des narrations intéressantes, même pour les niveaux inférieurs. Et puis ça, j'y reviendrai dans la troisième partie quand on joue ensuite des hiérarchies, en particulier des hiérarchies oppressives pour l'intérêt de les jouer. Ça peut être aussi très intéressant de jouer dans le rang des opprimés, d'avoir tout un questionnement sur le poids de la hiérarchie et sur la manière dont dont on agit ou dont on se comporte par rapport à celle-là. Comme je disais dans ma première intervention, un des éléments importants pour moi, c'est de faire en sorte que tout le pouvoir ne soit pas concentré sur une seule personne de manière trop déséquilibrée. Ensuite, il y a tout ce travail de rééquilibrage, de faire en sorte de donner de la matière aux échelons inférieurs pour que leur dynamique, leur capacité à agir et leur influence en jeu se manifestent différemment que par simplement le rôle d'autorité et le pouvoir brut. Alors, je viens de retrouver l'élément dont je voulais parler tout à l'heure. C'est donc sur comment on choisit, à qui on donne ces rôles d'autorité dans un cadre comme ça. Donc, comme le disait Muriel, la dilution de l'autorité, la répartition, ce que je constate, c'est que c'est moins grave si quelqu'un n'est pas un leader né, n'a pas le charisme, etc., quand il y a finalement beaucoup de rôles d'autorité qui ne sont pas des rôles d'autorité antagonistes, genre chef de groupe. Et du coup, bah, moi, le parti que j'ai pris, c'est dans mon questionnaire, je demande dans les différentes questions, si vous jouez ceci, cela, j'ai mis la question un rôle avec des responsabilités, ce qui est un peu plus vaste que juste de l'autorité, mais qui représente finalement plus un élément aussi du caractère, parce que c'est quelqu'un qui va pas seulement penser pour soi, mais aussi penser pour les autres. Qui va avoir un certain stress lié à cette responsabilité. Et donc, je donne ces rôles aux personnes qui ont envie de le jouer. Et donc, si parfois ben, la personne qui est dans le rôle n'est pas quelqu'un qui a un grand charisme, qui sait s'imposer. D'ailleurs, en fait, j'ai mis une question séparée, s'imposer face aux autres, parce qu'il y a un seul rôle où c'est vraiment important d'être capable de s'imposer face au rôle. Donc là, je pense que la personne qui coche cette case se sent vraiment de le faire. Et pour les autres, ben, s'ils ont pris des responsabilités sans avoir coché la case s'imposer face aux autres, si jamais ce ne sont pas des gens charismatiques ou ceci, cela, dans le jeu, ce n'est pas très grave. De toute façon, les ateliers mettent en place les rapports entre les uns et les autres, les rapports dans la famille. Bon, il y a beaucoup les rapports de pouvoir des parents sur les enfants, ce genre de choses. Et ça, bon, ben, si pendant le jeu... le père de famille qui est censé être quand même quelqu'un d'un peu sévère se révèle l'être pas tant que ça, ce n'est pas grave. Ça, on peut considérer que c'est les circonstances exceptionnelles du jeu qui ont modifié un petit peu son comportement. Moi, je voulais intervenir sur comment en tant qu'organisateur, organisatrice ou en tant que designer de jeu, on décide d'attribuer les rôles de pouvoir en vue de supporter des choses qui soient hors jeu. Donc en fait, je parle d'un espèce de steering des organes, notamment quand on avait fait les entretiens du petit peuple avec Zandera sur la question de la gestion des handicaps en GN. Zandera avait fait la remarque que souvent pour permettre une expérience de jeu de qualité à un joueur ou une joueuse qui a un handicap qui peut avoir des conséquences sur la façon dont les autres joueurs et joueuses interagissent avec cette personne, donner à cette personne un rôle de pouvoir peut permettre de lui assurer une expérience de jeu, puisque par exemple, si on prend le cas d'une personne qui va avoir du mal à se déplacer, avoir le jeu qui vient à soi, c'est une façon de soutenir sa propre immersion et de rendre le jeu plus inclusif. J'avais également, c'est une idée de jeu que j'aimerais bien organiser dans quelques années, je suppose. J'aimerais bien travailler sur avoir un jeu avec différentes langues, qui soit effectivement différentes langues. Et je me suis demandé comment est-ce que je peux faire en tant qu'orga pour ne pas que toutes les personnes qui s'inscrivent à mon jeu soient parfaitement bilingues anglais. Et donc pour que il y ait un certain degré d'incompréhension qui soit maintenu dans le GN. Et je me suis dit, ce qui peut être bien, c'est de demander aux joueurs et joueuses de s'auto-déterminer dans les langages qu'elles parlent, en disant, donc de 1 à 10, à quel point vous maîtrisez l'anglais, de 1 à 10, à quel point vous maîtrisez le français, l'espagnol, etc. Les langues qu'elles ont choisies. Et donner les rôles de pouvoir aux personnes qui ont le plus faible auto-score dans la catégorie, dans la langue commune, donc probablement l'anglais, afin de favoriser, enfin d'utiliser cette hiérarchie pour entraîner toute une cascade de jeux avec des problèmes de traduction, d'interprétation, donner du véritable pouvoir aux traducteurs et traductrices qui se retrouvent avec un pouvoir énorme. Quand la personne qu'on traduit ne comprend pas ce qu'on dit, c'est quand même quelque chose de très important, etc. Donc là, mon commentaire parle essentiellement de comment est-ce qu'on utilise des ressorts hors jeu pour soutenir des ressorts en jeu et réciproquement. Oui, pour rebondir là-dessus, effectivement, je l'avais mentionné un peu avant, mais le contre-casting, c'est-à-dire donner le rôle de pouvoir, par exemple, à des joueurs débutants ou à des joueurs qui ont besoin de plus d'inclusion, c'est une mécanisme qui fonctionne très bien. Une fois encore, en étant attentif à avoir des contre-pouvoirs et à équilibrer le pouvoir en jeu. Et puis, puisqu'on parle langue, j'ai un très bon exemple là-dessus, qui est la technique que j'ai réutilisée sur un Amsonsat, mais qui est venue d'Espagne, pour le jeu espagnol Robota, où c'était un de leurs premiers jeux internationaux, et donc ils n'avaient que 10 joueurs, une dizaine de joueurs étrangers sur un jeu d'une cinquantaine de personnes, mais ils avaient donné tous les rôles d'autorité à ces joueurs-là pour forcer les joueurs espagnols à aller leur parler, en particulier à aller parler en anglais, et ça, ça avait fonctionné effectivement assez bien. Sur ce, on peut avancer sur la troisième partie, donc qui sera la partie l'EGN et politique. J'aurais aimé qu'on discute aussi donc sur quelle hiérarchie mettre en jeu pour avoir une réflexion politique, un questionnement politique. La scénarisation des hiérarchies en jeu peut-elle nous aider à avoir une réflexion sur le monde? Et je vais commencer avec un premier exemple qui est un GN nordique, puisque naturellement, dans le GN nordique, les questions de réflexion sociale sont plus fréquemment et plus banalement employées. Et donc, qui était un de mes premiers GN nordiques, c'est un jeu qui s'appelle Last Will. C'est un jeu de futur d'anticipation, donc qui se passe dans une arène de gladiateurs modernes basée sur les sports externes. Et toute l'organisation est extrêmement hiérarchique. Donc, il y a les équipes autour des combattants qui ont chacun leur coach, les personnes qui s'occupent d'eux. Et il y a toute une équipe de direction, donc avec le directeur du centre, les gardiens, le personnel administratif. Il y a en plus une hiérarchie entre eux, les personnages qui sont encore libres et les personnages qui sont esclaves, et tout le jeu tourne autour de l'oppression, de l'aliénation des individus. Et le message politique et la réflexion sociale est explicite, puisqu'à la fin du jeu, on est invité à réfléchir autour de ces questions. Et en plus, les participants étaient invités à regarder un documentaire d'une dix-quinzaine de minutes, montrant la réalité de l'esclave moderne, et que finalement les situations extrêmes qu'on jouait en jeu, et bien finalement existent bel et bien de nos jours, et sont des choses très réelles. Et c'était un jeu qui était extrêmement bien géré de ce point de vue-là, puisqu'on avait vraiment des hiérarchies très fortes contraintes, mais tous les personnages avaient, avaient un intérêt narratif et jouer les rôles de pouvoir n'était même pas ce qui était, ce qui était forcément le plus intéressant à jouer. En tout cas, c'était pas des rôles qui m'intéressaient, donc on demandait le type de fonction qu'on voulait jouer. Mais pour moi, c'est un très bon exemple de jeu qui travaille sur sa hiérarchie, enfin dans lequel la hiérarchie est centrale et sert à servir un propos politique. Alors je vais rebondir avec un autre jeu nordique dans lequel les rapports de pouvoir sont très denses et servent une critique politique. Donc c'est un jeu que j'étais dans lequel j'étais ce week-end qui s'appelle un truc en finnois Death of a Thousand Cuts en anglais, qui est donc un GN sur les ultra-riches qui préparent la fin du monde, puisque ça existe à l'heure actuelle. Les ultra-riches sont en train de se demander non pas comment on va éviter une catastrophe climatique, par exemple, mais comment faire pour survivre et survivre en maintenant les hiérarchies actuelles après l'événement. Et donc, c'est un gène avec trois classes sociales très distinctes. Donc, la classe des ultra-riches, la classe moyenne qui sont en fait essentiellement les employés qui gèrent le projet, etc. Donc, les ingénieurs, les personnes qui mènent la réflexion sur comment élaborer ces arches dans lesquelles on va mettre les riches à la fin. Et la classe des très pauvres. Bon, alors, j'ai pas tout compris, Eugène, c'était en finnois. Voilà, on était deux à parler anglais sur 80 joueurs, c'était pas la folie, mais enfin bref. C'était quand même très intéressant, notamment parce qu'il y avait tout un travail assez méta qui était fait. Les riches portaient un badge qui indiquait qu'ils étaient riches. Pourquoi ? Parce que le jeu se finissait, on le savait dès le départ, par des pauvres qui vont poignarder des riches, en fait. C'est-à-dire que les riches n'avaient pas le droit de poignarder qui que ce soit, les pauvres avaient le droit de poignarder riches et classes moyennes, et les classes moyennes avaient le droit de poignarder des riches. Et il y a notamment une mécanique que j'ai trouvée extrêmement intéressante et abominablement frustrante. Quand un riche levait la main devant lui, dans un signe un peu stop, les personnes en dessous ne pouvaient plus s'exprimer. C'est-à-dire que le seul moyen pour ces personnes de s'exprimer, c'était ensuite d'aller au contact et donc d'agripper le riche. Et c'était très fort parce que ça marche comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un d'un statut supérieur au nôtre qui s'exprime, on a plus de mal à s'exprimer soit parce qu'on nous en empêche, soit parce qu'on s'en empêche. Et ça permettait en fait de rendre visible et en même temps d'une façon qui fonctionnait très bien, c'était une métatechnique très fluide, ça permettait de rendre visible l'interdiction de la parole orchestrée ou la distribution de la parole orchestrée par les riches. Donc je trouve cette métatechnique très intéressante. Et dans ce jeu, j'ai joué, alors on était deux personnages qui ne parlions pas finnois, j'étais l'assistante d'une investisseuse américaine. Et elle a passé tout le jeu à interagir avec moi sur des modes de parapluie. Ou « Charlie, qu'est-ce qu'on fait ?» Ou enfin, des choses très, très brutales, très impersonnelles, etc. Et en fait, ce mode de jeu-là était horrible en tant que joueuse, c'était insupportable. À la fin de la journée, j'ai dû prendre un break avant la toute fin du jeu en disant « là, j'ai besoin d'être une personne pendant un moment ». Enfin voilà, donc, désolée, j'ai parlé longtemps, mais c'est un exemple de jeu où cette hiérarchie-là, elle est directement faite pour induire une critique sociale et en fait mettre en exergue des mécanismes qui existent dans la réalité ordinaire. C'est super intéressant comme mécanisme. Il y en a d'autres qui existent, je sais, mais je n'ai pas Je vais pas revenir dessus, mais justement, il y a plein de mécanismes qui existent pour créer des dynamiques hiérarchiques, vraiment construire des hiérarchies dans les communautés, soit en communiquant avant le GN, soit avec des ateliers, soit à l'intérieur même du GN pour le rappeler, parce que parfois c'est nécessaire de le rappeler quand on va dire le naturel revient au galop. Quand je sais pas, le voyou de bas étage va envoyer chier le roi parce que les joueurs s'entendent pas ou au contraire s'entendent. Justement, ce que je trouve intéressant, c'est que ces mécaniques-là dont tu viens de parler, justement, Axel, c'est des mécaniques qui prennent en considération le fait que dans la réalité, il faut s'y faire. Dans la réalité, il y a des hiérarchies qui se mettent en place naturellement. Et puisqu'il y a des hiérarchies qui se mettent en place naturellement et qu'on le vit tous et toutes, puisqu'elles existent, autant faire en sorte d'agir pour que le GN se passe, quel que soit le casting, se passe de manière correspondante aux hiérarchies qu'on a prévues dans notre écriture en tant que orga. Donc ça veut dire mettre en place des règles. Voilà, en gros. Mais je trouve que mettre des règles en place, c'est quelque chose de nécessaire pour aller à l'encontre du casting par compétences réelles, que je trouve un peu dommage dans un loisir où on essaye de donner la possibilité à tout le monde de vivre n'importe quoi. Donc, sur la question le GN et politique, donc, bon, je suis totalement acquise à cette position. Du coup, pour moi, il y a une opposition entre, enfin, sur les jeux qui ont une hiérarchie, à savoir quand même la majorité, une opposition entre ceux qui ont réfléchi à ça et qui vont chercher à le mettre un minimum en question, que ce soit par des métatechniques ou simplement par le propos, et ceux qui n'y ont pas réfléchi et qui du coup se contentent de reproduire. Ensuite, pour ceux qui y réfléchissent, il n'y a pas forcément besoin de non plus. Enfin, je trouve ça super intéressant là, le GN avec les métatechniques dont Axel parlait, ça donne envie d'essayer. Mais même sur, je pense, sur n'importe quel jeu, n'importe quel propos où il y a une hiérarchie. Simplement en étant attentif à la question, on peut questionner la hiérarchie. Donc, je vais reprendre l'exemple de mon jeu Le Silence. La question des hiérarchies n'est pas du tout le propos central. Le sexisme, qui est une forme de hiérarchie aussi, est un propos secondaire, mais pas central. N'empêche que ce sont des. J'ai essayé dans mon écriture de que ce soit pas anodin, que ce soit pas juste des choses acquises, mais que ce soit des choses questionnables. Et ça, donc, je pense qu'en tant qu'orga politisé, on peut, sur n'importe quel jeu, même sans aller sur un jeu dont c'est le propos central, faire attention à ces questions et les questionner un minimum. Après, bon, il y a une question qui m'intéresse, qui est, alors, je ne sais pas trop si c'est hors sujet ou pas, c'est de tenter à l'inverse des jeux dans un où il n'y a pas de hiérarchie. Et en fait, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Là, mes deux derniers jeux, qui sont des jeux feel good, sont des jeux sans hiérarchie. Et donc, sur le premier, ça réussi, mais de peu, et juste parce que le jeu était court, je pense. C'est-à-dire, c'est un jeu scolaire japonais qui a comme propos central l'amitié, avec comme instruction à la fin du jeu, vous serez tous amis. Tous les personnages ont. Il y a un fil conducteur, une espèce d'enquête, et tous les personnages ont autant d'éléments à apporter à cette enquête les uns que les autres, ce qui les met sur un pied d'égalité. Il n'empêche qu'il y avait un joueur qui était plus à l'aise pour parler que les autres, et ben, de fait, il a parlait un peu plus que les autres. Ensuite, il n'a pas pris l'ascendant, il n'est pas devenu chef. Je pense aussi que c'est parce qu'il a fait attention à ne pas le devenir. Et voilà, aussi parce que le jeu était court et je pense que si le jeu avait joué quelques heures de plus, il aurait fini en leader du groupe alors que c'était quelque chose que je voulais éviter. Et voilà, donc comment créer au contraire des espaces sans hiérarchie, une question un peu hors jeu mais qui entre quand même, qui est en rapport, donc voilà. Je suis désolée, je vais encore parler du GN dont je viens de parler, parce que je viens de me souvenir dans les ateliers pré-jeu, il y avait un atelier auquel je n'ai pas participé, car je ne parle pas finnois, ou du moins pas du tout assez pour faire un GN. Les joueurs étaient répartis par groupe, avec à peu près un tiers au niveau des classes sociales, et on leur demandait de jouer des scénettes. La moitié du groupe jouait une scénette et l'autre moitié prenait des notes. Et ensuite, il y avait tout un partage comme ça pour essayer de désamorcer le fait d'être gentil quand on est riche, par exemple. Et ça a super bien marché. Vraiment, pendant le jeu, même sans indices méta comme l'habillement, etc., on savait très, très bien qui était un ultra riche et qui était un pauvre. Autre méta-technique, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, dans le jeu Personal Branding, notamment, qui est un jeu qui a été créé pendant la BOGN l'an dernier et qui est vraiment un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Les personnages avaient des talents ou des dons ou des choses qui les faisaient, qui les mettaient en exergue par rapport aux autres. Et ce n'est pas forcément le cas des joueurs et joueuses. Et donc, il y avait une méta-technique très simple qui est: quand tel personnage se met à chanter, par exemple, tout le monde est instantanément subjugué. Donc ça permet de créer une hiérarchie en termes de compétences, en tout cas de créer une mise en lumière d'un personnage, indépendamment de si le joueur ou la joueuse possède le talent que son personnage est censé posséder. Autre point par rapport à To an Ended Loin Polema, qui est donc le GN que j'ai fait ce week-end, c'était un jeu en ville, donc où il y avait des placements en ville et où certains repas étaient pris à l'extérieur, etc. Je me suis retrouvée dans la situation où je jouais donc une assistante d'une personne riche, mais où très clairement cette personne était d'une classe sociale bien plus élevée que moi, et le GN, au lieu de questionner ces inégalités, finalement, parce que la joueuse m'a payé à manger, etc., je me suis retrouvée à avoir une espèce de double peine, où non seulement mon personnage était subordonné, mais où moi aussi, on m'a rappelé que ma classe sociale était pas top. Ok, moi je voulais rebondir sur la question de savoir est-ce que c'est possible de faire des jeux sans hiérarchie. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Moi j'aime bien faire des jeux avec des hiérarchies parce que justement je trouve que ça permet d'avoir une réflexion sociale, ça permet de faire beaucoup de jeux là-dessus. Je pense que ça fonctionne. Je pense que les jeux sans hiérarchie, c'est d'autant plus faisable que le jeu est court. Parce qu'effectivement, Zandera, tu l'impliquais un peu, mais finalement, le problème, c'est qu'effectivement, même s'il n'y a pas de hiérarchie dans le jeu, comme d'autres choses, le fait de ne pas les mettre en scène en jeu ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir par la fenêtre. Donc, même si, en théorie, tout le monde est égal dans le jeu, bah, dans ce cas-là, ça veut dire que les hiérarchies vont se faire au niveau des joueurs, une fois encore, de leur charisme, de leurs compétences perçues, voire de leur place dans la communauté. Mais j'ai par exemple joué beaucoup de jeux en black box, qui fonctionnait très bien sur ce thème-là, donc en black box, ça veut dire en espace noir avec juste des lumières, avec des choses assez abstraites, où là finalement on joue des personnages qui sont ramenés à leur dimension la plus fondamentale. Je pense à un jeu comme The White Death où on joue des simples humains dans leur parcours de la vie vers vers la mort qui est vécue comme une libération. Donc là, on est sur quelque chose qui est juste sur la nature fondamentale de l'être humain. Je pense à un jeu comme To the Wonder aussi, où on joue des enfants, donc dans quelque chose de très onirique, où on joue des enfants qui cherchent l'arc-en-ciel. Et donc finalement, il y a un peu des dynamiques de pouvoir entre les enfants, parce que effectivement, il y a ceux qui voient la plus grande gueule, mais ça reste des enfants, donc finalement, c'est assez vite délayé dans la narration. Donc des jeux comme ça, c'est possible. Mais là encore, je pense que faire des jeux sans hiérarchie, ça ne veut pas dire simplement dire que tous les personnages sont égaux, mais c'est avoir aussi un cadre de jeu qui encourage le jeu coopératif et qui met en place un cadre tel que, qu'effectivement, il n'y ait pas besoin de jouer des hiérarchies, voire même que jouer une hiérarchie entre personnages, d'une certaine manière, desservirait le propos. Voilà. À mon avis, si on voit le GN par un prisme politique, alors tout GN a une hiérarchie, quoi qu'il arrive. Voilà, maintenant que c'est posé, comment on fait pour aller à l'encontre, enfin, prenez mon postulat, hein. Donc il y a une hiérarchie, quoi qu'il arrive. Comment on fait pour aller à l'encontre de cette hiérarchie, ne serait-ce que dans la volonté, par exemple, de l'annuler pour essayer d'arriver à une sorte de neutralité horizontale parfaite et équilibrée où tout le monde est égal. Il y a plusieurs manières. Alors, je pense que déjà de base, la charge mentale qu'on va imposer aux personnes qui jouent, joue. Donc plus on les fatigue, en gros, plus ils vont revenir donc à leur état initial et donc à la hiérarchie existante, même si on a lutté pour la faire disparaître. Dans ce cas, ça veut dire, je dis à peu près la même chose que Muriel a dit et que Axel aussi a dit, et Zandera sans doute, sur le fait que bon, bah, du coup, ça signifie qu'un jeu court, sur un jeu court, on peut éventuellement, peut-être, un peu, arriver à une sorte de neutralité. Premier truc. Donc, il faut prendre en considération la charge mentale. Donc, plus il y a de choses à réfléchir, plus ils vont revenir aussi à leur état naturel. Donc, plus le jeu est simple, ça peut vouloir dire court, mais ça peut vouloir dire simple, et en slow play, donc en jeu vraiment très très lent, avec un rythme très très lent pendant un peu plus longtemps. Voilà, plus c'est simple, plus c'est simple à jouer de manière neutre, et moins c'est simple, plus on revient à sa nature. On peut également s'inspirer, alors là c'est des idées à la con, hein, vous en ferez ce que vous voulez, on peut s'inspirer des outils de communication qu'il y a, notamment, désolé, mais dans l'activisme, donc des signes pour dire « je prends la parole », des signes pour dire, par exemple, « plus un, je veux être la personne qui prend la parole la suivante », pour faire en sorte que les gens respectent des règles et donc essayent de ne pas en abuser. On peut mettre des règles, comme, je ne sais plus où ça a été dit, mais des règles préalables qui sont, dans ce GN, personne n'interrompt personne. Dans ce GN, tout le monde est à stricte égalité et personne ne pense être supérieur aux autres, voire tout le monde pense être inférieur aux autres. Et comme ça, tout le monde agit d'une certaine manière de peur, ensuite qui relève de sa propre construction. Mais bon, il y a alors donc les outils de communication, pourquoi pas. Une autre idée, c'est le silence. Moi, je trouve que dans le silence, on se retrouve davantage. Donc, inciter à se taire dans un GN, inciter à cultiver l'art de ne rien dire, ça égalise beaucoup. Alors, ensuite, on peut très bien inciter à l'art de ne rien dire que à certaines catégories de la population, particulièrement bavardes, comme moi. Et ça serait égalisé également. Hein, mais bon, il faut que ce soit assumé et idéalement transparent. Dernière possibilité, on peut, dans toujours ce GN à faible charge mentale, on peut imaginer des fonctionnements très très simples pour être sûr que tout le monde est à la fois le puissant ou la puissante de quelqu'un et à la fois l'inférieur de quelqu'un d'autre. On peut imaginer des jeux poule-renard-vipère, pierre-papier-ciseaux, tout ce que vous voulez, où tout le monde a toujours une personne qui est supérieure, une personne qui est inférieure. Et en imaginant ce genre de mécanique dans un jeu où on parle à tout le monde, dans un jeu à peu de personnes, par exemple, ça peut promouvoir une certaine égalité. Voilà des idées en vrac. Si personne ne veut continuer sur le sur la troisième partie, il y a un sujet qui a vaguement été évoqué un petit peu par-ci par-là, c'est la question de la hiérarchie du GN, donc pas dans le jeu entre les personnages. Et c'est un sujet dont j'aimerais, qui m'intéresserait énormément. Alors 10 minutes, c'est court, mais si ça vous dit, la hiérarchie entre Orga Sénar, Orga Logistique, PNJ, PJ, le regard qu'on a là-dessus, entre les personnes qui voudraient que ça soit un travail collaboratif où tout le monde est égal, et le fait qu'il y a un regard, une réputation plus forte pour les gens qui ont certains postes. Par exemple, un truc qui m'outre, mais que je conteste, c'est que par exemple, les organisateurs et organisatrices Sénar sont considérés comme supérieurs aux organisateurs et organisatrices logistiques dans le milieu du GN. Je vais prendre la parole là-dessus, si ça vous va, brièvement. La Sénar History, c'est une association qui a été créée dans le but d'abolir de réduire au minimum, en tout cas, les hiérarchies. C'est une asso sans bureau. On a un collège, on a un trésorier parce que c'est obligatoire, mais il n'y a pas de président, présidente, secrétaire, etc. On a voulu avoir un truc très, très collégial, très égalitaire. Et on ne va pas se mentir, c'est la galère. C'est-à-dire qu'on on est tellement tous et toutes habitués à évoluer dans des situations hiérarchiques, que quand on essaye d'enlever la hiérarchie, il y a un problème de responsabilisation individuelle. Oui, alors là-dessus, effectivement, là on sort des hiérarchies en jeu pour parler des hiérarchies hors jeu, et effectivement, il y a des choses qui sont problématiques sur les hiérarchies perçues au sein de la communauté. Là-dessus, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça dépend vraiment des pays, parce qu'effectivement, en France, on a vraiment une culture de l'orga auteur, et donc le scénariste, et en particulier concepteur des personnages, et celui qui bénéficie du plus haut statut. Mais dans les pays nordiques, par exemple, où en général les personnages doivent tenir sur une demi-page ou une page et sont pour l'essentiel développés par les joueurs, le scénariste est finalement très secondaire, et en revanche c'est l'organe logistique, hein, vu qu'on est souvent dans des jeux qui sont d'assez grosses productions, donc c'est vraiment le producteur au sens gestion matérielle et financière qui a le statut le plus élevé. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir que le statut dépend de ce à quoi on donne de la valeur dans l'organisation du GN, et que c'est très propre aux cultures de jeu, et c'est pas du tout quelque chose qui est universel, même dans le GN en Europe. Et effectivement, derrière, ça pose aussi le problème de savoir qui a la responsabilité, en fait, parce que bah, on est quand même dans l'organisation de GN, ensuite, en fonction des formats, dans des choses qui sont des projets à mener. Et donc, la dilution de la responsabilité, ça peut aussi entraîner bah, une sorte d'effet témoin sur ces choses-là. Alors, moi, je vais prendre rapidement l'exemple d'une association qui n'existe plus depuis 3 ans, mais qui a existé pendant 10 ans, qui a eu un noyau dur d'organisation autour d'une même équipe, et qui avait donc un mode de fonctionnement qui était régulier. Et d'un point de vue extérieur, effectivement, on avait l'impression que les orgas scénarios étaient à la tête un peu du GN, parce qu'ils étaient clairement, l'orga scénario était au centre de l'organisation du GN global. En fait, il s'est avéré que on s'est aperçu que c'était l'orga Sénar qui avait le plus de concessions à faire sur toutes ses idées, parce qu'il lançait une idée Et après, il y avait tous les autres pôles d'organisation qui avaient un droit de regard sur le scénario et qui, au vu de ces problématiques, pouvaient poser un veto ou pas sur ce qui se passait dans le scénario. Donc c'était, on peut se retrouver dans une situation où de l'extérieur, on se dit, bah, en fait, la pyramide, elle est construite sur cette base et que en réel, ce ne soit pas le cas. Voilà. Je vais faire court aussi. On me dit souvent, de toute façon, dans une équipe, il faut quelqu'un qui lead. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que, franchement, si on fait des efforts, on peut essayer de créer des organisations vraiment horizontales. C'est ce que j'essaie de faire avec CocoLarp. Et voilà. Je vais juste faire une petite parenthèse sur le sujet. Un truc que je trouve marrant, c'est que dans l'univers du jeu vidéo, du développement de jeux vidéo actuellement, le narrative design, donc on va dire l'orga scénario quelque part, est au contraire généralement mis après l'orga règle, par exemple, qui va s'occuper donc des mécaniques, on va dire, et derrière l'orga, on va dire logistique, qui va s'occuper donc du développement informatique. Eux-mêmes derrière l'orgacom qui va s'occuper de la production et de la communication, du marketing du jeu. Donc je fais ce petit parallèle juste amusant pour vous dire comment ça se passe ailleurs de ma perspective très limitée. Voilà. Ok, donc cette réflexion un peu périphérique, connexe, mais très intéressante aussi sur les hiérarchies hors jeu et les hiérarchies d'équipe d'orga conclut cette discussion. Donc ce que j'en retiendrai en conclusion, c'est effectivement que la hiérarchie, comme tout élément à prendre en compte dans le design, fonctionne à double tranchant, c'est-à-dire que bien gérée, elle peut être un très bon outil narratif, elle peut susciter des questionnements politiques, elle peut permettre de structurer le jeu, de rendre compte de situations sociales, d'exploiter le très riche potentiel de sociétés du passé organisées également sous forme hiérarchique, mais elle implique de prendre en compte aussi bien la manière dont ces dynamiques vont être jouées en jeu que de la manière dont les dynamiques hors-jeu, donc les différences de statut perçues entre les joueurs, vont pouvoir également influencer leur interprétation. L'autre challenge est que effectivement les rôles d'autorité ou les rôles de leader finalement tombent un peu sur deux extrêmes opposés du spectre. Soit ils deviennent des rôles qui sont un peu des rôles de guidage, de steering comme on dit, ou ils doivent un peu se penser comme des rôles de PNJ afin justement de déléguer du jeu ou d'équilibrer le jeu. Mais à l'inverse, s'ils sont trop joués comme des PJ, ils peuvent aussi créer de très importants déséquilibres en jeu. Donc, ce qui explique aussi pourquoi ils doivent être gérés et maîtrisés avec une conscience justement de ce type d'enjeu-là. Néanmoins, comme tout élément de scénarisation qui demande une approche fine, les hiérarchies, une fois bien menées, peuvent être véritablement des choses très intéressantes à jouer et qui ont aussi bien un potentiel narratif qu'éducationnel considérable. Voilà. Merci à toutes et à tous d'être venus. C'était encore une fois très intéressant. Donc, je vous remercie vraiment d'être au rendez-vous à chaque fois. Je vous invite à faire vos propositions dans le chat de thèmes à aborder la prochaine fois. Comme d'habitude également, on essaye donc d'avoir un animateur ou une animatrice différente à chaque fois. Donc si ça vous tente d'animer dans le cas où un tel ou tel thème serait choisi, dites-le, envoyez-moi un message sur Facebook, commentez sur la page. Voilà. Je vous remercie beaucoup.